Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler avec notre ami Simon Boisvert. On va faire l'analyse du repêchage du Canadien de Montréal. Parler également de la Ligue junior majeure du Québec. Moi, encore une fois, je suis très déçu qu'encore une fois, le Canadien a décidé de boycotter le talent québécois. On en parle avec Simon Boisvert. On y a parlé mardi. Salut Simon! Bonjour, Danny. Simon, moi, je suis de la vieille école. Moi, je suis de la vieille école, puis je suis entièrement d'accord avec Serge Chavard qui dit qu'avoir une dizaine de Québécois, c'est bon pour l'équipe. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question de sensibilité. C'est une question de... les gens vivent au Québec. Tu sais, je suis pas sûr que Kéké va entendre parler d'élimination si le Canadien fait pas une série. Il va sacrer son camp Finlande. Tandis qu'un Québécois, lui, va l'entendre. Donc, Serge Chavard, c'est un petit peu ça, sa philosophie. Puis moi, j'étais d'accord avec. Puis encore, l'administration de Marc Bergevin, entre autres avec Kermit Timmons, je sais pas, il semble pas être... Il semble pas catcher ça. Ouais, Trevor Timmons, d'ailleurs, aujourd'hui, qui s'est défendu à une émission de radio, là, qui était il était assez furieux là des commentaires qu'il a reçus depuis 24 heures. Moi je vais te dire là, je suis un petit peu ambivalent là-dedans. Je suis d'accord avec l'idée d'avoir des Québécois dans l'équipe, comme Serge Chavard dit. Tu sais, c'est un marché qui est quand même spécial en Amérique du Nord. Et puis c'est bien d'avoir des joueurs locaux. Cependant, moi je me pose la question. À chaque fois que je fais mes listes de repêchage, je regarde toujours la liste des joueurs francophones développés au Québec, puis je me dis, lesquels que je prendrais vraiment? Ouais. Parce que, tu sais, c'est bien beau d'arriver en 5e, 6e, 7e monde, et puis prendre des gars, finalement, qui n'auront pas de chance de faire la LNH. Ouais. Alors, tu sais, bon, il y a des joueurs québécois dans les dernières années qui ont percé, Pierre-Luc Dubois, entre autres, Thomas Chabot, mais c'est des gars qui n'étaient pas disponibles pour le Canadien au moment où ils ont repêché. Celui qu'ils ont vraiment laissé passer, là, il y a quelques années, je pense que ça fait 5 ans, c'est Anthony Beauvillier. Oui. Puis ils ont repêché Noah et Wilson à la place. Oui. Alors ça, je t'avoue que c'est un peu inacceptable parce que, tu sais, on parle de prendre le meilleur joueur disponible, oui, mais est-ce que vraiment Noah Wilson avait un potentiel si extraordinaire que ça pour finalement passer à côté de Beauvillier? Bon, ça, là-dessus, je suis d'accord. Cependant, quand tu regardes un repêchage comme hier, ben, écoute, ils ont choisi, je ne sais pas, une dizaine de joueurs. Moi, il y en aurait probablement une couple que j'aurais choisi. Ouais. À un moment donné, moi, j'aurais pris William Villeneuve. Oui, ce qui est un défenseur bon les deux sens de patinoire, je pense. Hein? C'est ça. Et, ouais. Écoute, je ne dis pas que c'est une valeur sûre pour faire la Ligue, mais il est sorti en 4e ronde. Puis le Canadien a choisi en 4e ronde un gars qui s'appelle Jack Smith qui jouait dans un high school américain. Tu sais, est-ce que Jack Smith vraiment est tellement une carte cachée au point que tu vas passer à côté, exemple, d'un gars comme Villeneuve? Ouais. Moi, je pense que non. Alors moi, à ce moment-là, j'aurais pris Villeneuve. Mais en première ronde, ils ont pris Goulet. Moi, Goulet, je l'avais classé en arrière d'Hendrix Lapierre. Alors c'est sûr, j'aurais pris Lapierre avant. Mais, comme on avait parlé l'autre jour, moi, j'aurais longuement hésité avant de prendre la pierre parce que j'aimais aussi beaucoup Tyson Forster, qui est sorti 23e à Philadelphie et qui était un ailier costaud, capable de marquer des buts, et qui, honnêtement, que je trouvais l'an dernier dans la Ligue canadienne de hockey, que je trouvais meilleur que la pierre. Alors, tu sais, j'aurais longuement hésité entre les deux, mais Caden Gooley, non. Pour moi, ça valait pas le 16e choix au total. Bon. Okay. Ensuite de ça, quand on s'en va un petit peu plus loin, ben il n'y en a pas tant que ça de joueurs québécois qui ont été choisis. Puis, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont percer non plus. Tu sais, je regarde Elliott Desnoyers à Philadelphie. Bon, un choix de 5e ronde. Bon, est-ce que nécessairement il y a des grosses chances de faire la Ligue nationale? Je ne sais pas. Philippe Daou à Ottawa en 6e ronde, ça m'étonnerait beaucoup. Donc, il n'y en avait pas tant que ça. Mais c'est sûr qu'il aurait pu en choisir au moins un ou deux qui avaient une chance légitime un jour d'atteindre la LNH. Et puis, c'est toujours un petit peu embêtant là, d'une année à l'autre, mais c'est vrai que ça donne l'impression que ça les intéresse pas. Quand tu prends un gars comme Jack Smith en quatrième ronde, qui est un obscur joueur de high school américain où le calibre est très faible, ça prouve que ça t'intéresse pas. Mais Kaelin Primo, mais lui, il va te répondre. Regarde, j'ai repêché Kaelin Primo en septième ronde. Oui, correct. Ouais. C'est bien. C'est bien. Je te dis, moi, je prendrais pas 10 Québécois non plus. Non. Je te l'ai dit, j'en aurais pris un ou deux. Ouais. Parce que j'avais ma liste, j'avais d'autres joueurs que je préférais. Tu sais, j'aurais pris un gars comme Martin Kromiak bien avant. J'aurais pris, je sais pas, Luke Angelista, des joueurs comme ça. Là, je te nomme n'importe qui là, qui est sorti. C'est sûr que j'en avais bien des gars avant les joueurs québécois. Mm. Mais à un moment donné, pousse, mais pousse égal. Tu sais, même Jérémy Poirier, j'aurais pris une chance avec lui. Ouais. Troisième ronde, c'est pas une valeur sûre, mais il est quand même sorti en troisième ronde. Le Canadien avait deux choix de deuxième ronde. Mm. Et puis, ils prennent Luke Tuck. Luke Tuck, là, maximum, Danny, là, quatrième trio. Ça, c'est s'il fait la Ligue nationale. OK. Un joueur de quatrième trio, ben, écoute, prends un gars, mettons, comme Poirier, exemple, qui a beaucoup plus d'upside, même s'il est beaucoup plus risqué, que de prendre un gars, finalement. Écoute, un joueur de quatrième trio, demain midi, là, il va en entraîner à peu près 200 tu peux signer. C'est clair. Pour 700 000 piastres. C'est clair. Non. Regarde, c'est... comment t'as trouvé ça? On s'est parlé ce midi, tu donnes 6.5 à Trevor Timmons pour ce repêchage-là. Oui, c'est ça, 6.5, B moins. Je trouve que c'est pas un mauvais repêchage pour le Canadien. Kaelin Gooley, c'est une valeur sûre, dans le sens qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Je serais très surpris qu'il joue pas. Mais là, ça va-tu être un défenseur numéro 4, numéro 5? C'est pas un gars qui a un talent offensif à tout casser. Mais c'est un bon patineur, il est robuste, il joue bien dans sa zone. Ça te prend des joueurs comme ça. Je trouvais juste, moi, peut-être que... Tu vois, je l'avais classé 22e. Okay. Alors, peut-être que 16e, je le trouvais peut-être un petit peu trop tôt. Mais c'est sûr que c'est pas... d'après moi, là, en date d'aujourd'hui, c'est pas un mauvais choix. OK. C'est-tu un Shea Weber gaucher? Je me trompe en disant que c'est un jeune Shea Weber? Parce qu'on dit que c'est un leader incroyable. C'est un gars qui n'est pas nécessairement un bon hockey sense, un bon sens offensif. Par contre, il est capable de participer il a un bon lancer. Moi, physiquement, il est fort aussi. Moi, j'ai dit, mon Dieu, ça me fait passer à Shea Weber gaucher. Oui, mais il y a moins de talent que Shea Weber. Oui, OK. Shea Weber, à son meilleur à Nashville, là, c'était le meilleur joueur offensif. Un des cinq meilleurs facile. Shea Weber, c'était un candidat au Trophée Norris, alors que... Kaelin Gooley, là, s'il va chercher 20 points par année, c'est beau. OK. C'est ça, pourquoi je donne B- aux Canadiens? Parce qu'ils ont quand même pris une couple de risques avec des joueurs qui ont quand même un certain upside que je déteste pas. Yann Mizak, en deuxième ronde, je l'avais classé en première ronde. C'est sûr que ce genre de gars, s'il ne fait pas le top 6, il ne fera pas la Ligue. Alors, il y a un risque, mais c'est un joueur talentueux. Dans les joueurs américains, Sean Farrell. Zach Parise, hein? J'ai lu sur TVA Sport que certains observateurs le comparent à Zach Parise. Est-ce que c'est légitime comme comparaison? Ben, comme style de jeu, oui, mais avant d'avoir la carrière de Parise, là, c'est un opère de manche. Mais comme style de jeu, c'est pas une mauvaise comparaison. OK. Ensuite, ils ont pris deux joueurs américains en quatrième ronde, Blake Biondi et Sean Farrell. Blake Biondi, qui était probablement le meilleur joueur des écoles secondaires américaines cette année. Mais, tu sais, encore là, le calibre était très faible. Alors, il va avoir des croûtes à manger avant de se rendre dans la Ligue nationale. Et il y a Sean Farrell, moi que je suis depuis nombre d'années, parce que je l'avais recommandé aux Foreurs de Val-d'Or pour le repêchage américain. Ils l'ont d'ailleurs repêché il y a 2 ans. Et puis, si ce gars-là mesurait 6 pieds, il aurait peut-être été un choix de premier rang. Okay. À 5 pieds 9 au centre, ça va être difficile, mais il est très, très créatif, il est électrisant. Puis le Canadien a déjà beaucoup de petits joueurs. Alors, si à un moment donné, ils font de la place à Sean Farrell, il va falloir qu'ils échangent d'autres petits joueurs. Okay. Alors ça, j'ai apprécié quand même les risques que Trevor Timmons a pris de ce côté-là. Mais Luke Tuck, en deuxième ronde, là, vraiment, là, ça fait baisser la note globale. OK. Donc, qu'est-ce qu'un recruteur, quand tu dis ça, est-ce que... Comment un joueur comme Tuck peut tomber dans l'œil de Trevor Timmons? Son attitude, Souvent, c'est l'attitude, hein? Ben, il n'était pas le seul. Je pense que Timmins n'était probablement pas le seul. Je pense que Luke Cox était un joueur probablement choisi dans les... probablement classé dans les 75 premiers par à peu près toutes les équipes. C'est qu'on voit... Tu sais, oui, il y a l'attitude. Il y a le fait qu'il y a un frère qui est déjà très productif dans la Ligue nationale. Ça, ça nuit pas. Même s'il ne vient pas à la cheville d'Alex. Et, tu sais, tu regardes ça, puis tu dis... Bon, là, je suis rendu au 50e choix à peu près. Ouais. Est-ce que je vais me chercher un gars que je sais qu'il a une bonne chance d'être un plombier un jour? Ou est-ce que je prends une chance avec un joueur qui a peut-être 10 ou 15% de chance seulement de faire la Ligue? Mais qui a plus de talent. Alors, ce qui tombe dans l'œil des recruteurs, c'est toujours que tu dis que le gros joueur travaillant, qui a une bonne attitude, a peut-être plus de chances de faire la Ligue. Mais quand son plafond, c'est un quatrième trio, ben moi, je me demande si ça vaut la peine, parce que, je me répète, mais demain, là, il y en a 200 gars comme ça disponibles. Ben oui, c'est sûr. Allez, je veux parler des sénateurs. Les sénateurs, comment tu as trouvé ça? La sélection de l'Allemand, ça, c'était prévisible, très prévisible, même de ça, ça aurait été surprenant que Byfield s'en allait pas à Los Angeles. Par contre, Sanderson comme cinquième à la place de Drysdale, t'as-tu surpris? Oui et non. Sanderson avait beaucoup monté dans l'estime des recruteurs dans les derniers mois. Ouais, c'est un défenseur qui est plus complexe que Drysdale, dans le sens qu'il a un meilleur physique, il a un meilleur patin, meilleur joueur défensif. Par contre, Drysdale est plus explosif à l'attaque. Ottawa s'est dit, ben on a déjà Thomas Chabot, on a déjà Eric Brännström qui s'en vient. Alors peut-être qu'il voulait peut-être un joueur un peu plus stay at home, un peu plus complet, un peu plus défensif. Moi, si j'avais été Ottawa, honnêtement, j'aurais pris deux attaquants. Oui. J'aurais pris Cole Perfetti, cinquième. Qui vient de la région d'Ottawa. Oui, ils ont déjà une bonne relève en défense. Oui. Et puis à l'attaque, ils ont beaucoup de bons joueurs, mais ils n'ont pas énormément de joueurs avec le potentiel de devenir des joueurs étoiles. Oui. En dehors de Stutzla puis Brady Tkachuk, on parle de bons joueurs. C'est Drake Batterson, Josh Norris qui s'en vient. Mais ça demeure quand même plus des joueurs de deuxième trio. Ouais. Alors moi, j'aurais essayé plus un coup de circuit avec Perfetti. Mais eux, écoute, ils sont en train de se construire une brigade défensive très importante. Puis veux pas, ben rendu en séries éliminatoires, un jour quand ils vont être en série, ça risque de les mener loin. Ah, mettons que je placerai un petit 2 chez les Sénateurs avant les Canadiens. Je serais un 2 pour gagner la coupe, les Sénateurs avant les Canadiens. Moi aussi. Si un des deux gagne la Coupe d'ici 10 ans, je pense que ça va être Ottawa. Ouais, c'est sûr. Si. Oh, ouais, Ottawa a bien des croûtes à manger. Ottawa a bien des croûtes à manger encore, là. Ouais. Depuis 93, il n'y a pas une équipe canadienne qui a remporté la Coupe Stanley, donc on a bien des croûtes à manger, hein. Ça n'est pas passé depuis ce temps-là, là. C'est le Canadien, 27 ans. Hey, c'est incroyable, pareil. Snake, un gros merci. On va s'en reparler un autre tantôt. Premier sur toi, puis bon marché des joueurs autonomes. Je sais que tu vas suivre ça demain pareil également. Bien, certainement, Danny. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Simon Boisvert, spécialiste du...